Les infos juridiques du CIDFF, Centre d'information des femmes et des familles de Nancy. Hello Lucille. Bonjour Prudence. En ce moment, et notamment suite à l'affaire des viols de Mazan, on parle beaucoup de la soumission chimique. Mais c'est quoi exactement ? C'est vrai qu'il est important de savoir ce que recoupe ce terme afin de pouvoir le distinguer d'autres situations, comme celle de la vulnérabilité chimique par exemple. La soumission chimique, c'est l'administration d'une substance psychoactive à l'insu des victimes et sous la menace à des fins criminelles ou délictuelles. Elle se distingue de la vulnérabilité chimique, qui désigne un état de fragilité, induit par la consommation volontaire cette fois, d'une substance psychoactive ayant rendu la personne plus vulnérable à une agression. On regroupe ces deux modes opératoires sous le terme d'agression facilitée par les substances. Ils constituent tous les deux des circonstances aggravantes. Quelles sont ces substances utilisées et quels sont leurs effets ? Alors, il en existe plus d'une centaine, notamment des médicaments, des antihistaminiques, sédatifs, antidépresseurs, opioïdes, mais également d'autres substances comme la MDMA, la cocaïne, la kétamine ou encore le GHB, qu'on appelle aussi la drogue du violeur. Le plus souvent, ces substances sont administrées à travers des boissons ou des aliments. En agissant sur le cerveau, elles provoquent des modifications psychiques et comportementales, telles que des somnolences, des vertiges, des pertes de mémoire, une désinhibition et de la confusion. Ce sont des effets recherchés par l'agresseur pour réduire les capacités de défense des victimes et faciliter leur passage à l'acte. J'imagine que de tels comportements sont punis par la loi, mais de quelle manière ? Alors oui, on l'a dit tout à l'heure, il peut être envisagé sous l'angle de la circonstance aggravante. Ça veut dire concrètement que le fait de commettre un viol sur une personne à qui on a administré une substance, à son insu, vient alourdir la peine encourue. Tout comme le fait que l'agresseur soit lui-même sous l'empire d'alcool ou de stupéfiants d'ailleurs. Le viol est puni en droit commun de 15 ans de réclusion criminelle. En cas de soumission chimique, il est puni de 20 ans de réclusion criminelle. Mais ce n'est pas tout puisque le législateur a également prévu une infraction autonome. Ça veut dire que le fait d'administrer à une personne, à son insu, une substance de nature à altérer son discernement afin de commettre une infraction sexuelle est puni de 5 ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. Lorsque les faits sont commis sur un mineur de 15 ans ou une personne particulièrement vulnérable, les peines sont portées à 7 ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende. Le délai de prescription, quant à lui, c'est-à-dire le temps dont dispose la victime pour déposer plainte, il est de 6 ans après les faits. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que l'infraction est caractérisée même si le viol ou l'agression sexuelle n'a pas eu lieu. J'ajoute que quelqu'un qui enregistrerait sciemment des images relatives à la commission de ces infractions se rend complice et encourt la même peine que l'auteur principal. Tout l'enjeu ici, Lucille, tu le comprends, c'est le dépistage, pour prouver la présence de ces substances dans le corps. La plupart de ces substances psychoactives, elles restent très peu de temps dans le sang et les urines. Pour le GHB, c'est 12 heures. Il faut donc être très réactif et procéder à des analyses le plus rapidement possible. Le fait de déposer plainte permet d'être vu par l'UMJ, donc c'est l'unité médico-judiciaire, qui lui est en capacité d'examiner les mèches de cheveux dans lesquelles la substance reste détectable un peu plus longtemps. C'est 6 à 8 semaines pour le GHB. Ok, donc ces infractions sont prévues dans le code pénal, mais quels sont les bons comportements pour éviter d'être victime de soumission chimique ? Alors on peut noter quelques conseils pour minimiser les risques d'agression qui sont facilités par les substances. Par exemple, dans la mesure du possible, rester en groupe, être accompagné par des amis qui veillent et peuvent réagir en cas de danger, avoir un membre du groupe qui ne boit pas ou ne consomme pas de substances et qui pourra ramener ses amis, ne pas quitter son verre des yeux, ça c'est hyper important, ne pas accepter de verre de la part d'un inconnu ou d'une inconnue, et c'est également possible d'utiliser des couvercles ou protège-verre anti-drogue. Et puis évidemment, contrôler sa consommation d'alcool, en ayant à l'esprit que l'effet des médicaments augmente lorsqu'on consomme de l'alcool. Tu peux nous rappeler vers qui se tourner si on est victime ou témoin ? Alors, en cas d'urgence, il faut appeler le 17 ou composer le 114 pour joindre par SMS les services de police. Pour les femmes en situation de violence, elles peuvent appeler le 3919, qui est le numéro national d'écoute et d'orientation. Et enfin, il y a le centre de référence sur les agressions facilitées par les substances, qui est la plateforme ressources de référence sur la soumission et la vulnérabilité chimique. La semaine prochaine, un thème plus léger vous attend avec Lucille, qui s'adressera à tous les adeptes de la seconde main.